la fuite en avant du monde civilisé, je me suis fait larguer par celle que j'aimais tant. J'ai des difficultés à me stabiliser, mais comment concilier le besoin d'être aimé avec la volonté de vivre en liberté? Personnellement, j'avoue que le monde est fou, je suis un peu perdu. Personnellement, j'avoue que le monde est fou, mais la vie continue, je suis un peu perdu. C'est sur un ton léger que je veux m'inquiéter de ce qui nous attend, car le manque d'éthique dans un monde pratique est assez inquiétant. Mais comment s'assurer de notre destinée quand on est prisonnier de la futilité? Personnellement, j'avoue que le monde est fou, je suis un peu perdu. Personnellement, j'avoue que le monde est fou, mais la vie continue dans un monde inconnu. J'avoue que le monde est fou, je suis un peu perdu.